Il est venu récupérer son panier de fin d'année. Hein. Comment ça va, mon petit GG, en forme? Moyen. Ah, voilà. C'est tout ce qu'on a à dire. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en deux mots? On peut dire. Allez! Bah, disons, on va pas trop. Putain, c'est quoi ce micro? Ah, voilà. Ah ouais. Non, on va pas trop en parler sur l'antenne, c'est tout. Tu m'as appelé, donc tu sais très bien le problème. Bah, y a pas, c'est pour ton panier que je t'ai appelé, c'est pour que tu... Non, mais tu sais la suite. Non? Non, je vais te dire une chose. Si vous étiez pas là hier soir, je crois que je me suis bien amusé, n'empêche aussi, pour nettoyer la bagnole cet après-midi. Ils t'ont aidé? Ouais, ils m'ont aidé à retirer ce qu'il y avait dessus. Donc tu peux les remercier quand même, là, les deux. Donc merci merci Manu. De rien. Oh putain, ils se checkent dans la main et tout. Ouais, c'est faux, c'est des pattes et tout. Faut de GG. Mais il y avait quoi sur la voiture? Parce que moi j'étais... Non, mais toi ça te regarde pas, d'accord. Mais je voudrais savoir parce que j'étais... Non, mais toi ça te regarde pas, tu sais pas. Ça te regarde pas, donc t'as pas à savoir. Tu fais pas partie de l'équipe de Gérard. Donc, n'empêche, j'ai essayé de voir... Par rapport à ce que Rigo et puis ce que tu m'avais dit, c'est quoi, j'ai essayé l'histoire avec le Karcher, laisse tomber. Hein. Même à l'eau bouillante, ça m'a quand même esquinté la carrosserie. Hein. Pourquoi? On t'a esquinté ta bagnole hier, non? Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a mis dessus? Non, mais ça... Non, mais ça, je comprends pas. Non, mais le fesse de babouin, donc, tu vois, on va le citer. Le fesse de babouin. Voilà, c'est moi qui n'avais pas mal machiné. Donc le fesse de babouin qui s'est amusé à faire ça. Eh ben mon pote, un conseil que je te donne. Évite Paris 10, parce que maintenant t'es signalé là-bas. Et puis évite de venir, parce que un de ces quatre matins, si je te vois, je vais te dire une chose, ta tête elle est morte. Et tu toucheras plus à Sandy, parce que Sandy t'emmerde. Sandy, sors avec moi, tu ne coucheras pas avec comme tu l'as dit. Et maintenant, on va essayer de voir si Sandy veut bien répondre. Après, parce que j'ai d'autres choses à faire avant. Oui, non, parce qu'on voudrait quand même que Sandy réponde, parce que hier, pendant l'émission, vu que tu étais parti... Vers 1h30, ouais. Donc, on a essayé de la joindre. Et cette espèce d'abruti de fesse de babouin, donc on a son site internet, et je pense que Fildar, j'espère que tu vas me donner des... En deux mots, parce que je reviens avec Karim, vite fait. Donc on va essayer d'avoir Sandy pour savoir ce qui s'est produit. Parce que moi, je vais te dire une chose, que la voiture, j'en ai parlé à mon beau-père, et fais-moi confiance que lui, c'est pas fesse de babouin qui l'a payé. Malheureusement, ça va être toi, Max. Eh oui. Quoi? C'est un auditeur que tu dois connaître. Donc alors, moi je serais que toi, un conseil que payer quoi? Est-ce que je vais payer quoi? Non, mais attends, je vais payer quoi? Je suis même pas au courant là, je suis en train de débarquer, je vais payer quoi? Non mais c'est toi qui vas être responsable des dégâts de la bagnole. Mais t'es fou toi, mais jamais de la vie, mais t'es taré toi. Est-ce que moi quand... Attends, mais c'est quand même pas toi, toi, tu vas où? Non mais toi on te fait rien sur ta bagnole, moi on touche à la mienne. Bah attends, mais alors, je suis pour rien. Bah attends, mais c'est pas de ma faute. C'est simple, on va faire une chose. Bah, alors attends, le panier que je viens de t'offrir avec du truc, faut que tu me le payes, ça coûte 400 balles le panier là. Non mais attends. Attends, le panier, moi je te parle pas de ça. Mais moi je te paye pas, je paye rien du tout moi. Non, mais moi, je vais te dire une chose. Non, mais t'es ouf, dans toi. Ces cas-là, soit que tu mets les choses au clair avec fesse de babouin, rapidement. Je ne le connais pas, ce garçon. Je ne sais même pas de qui tu parles. Je connais son pseudo, mais je ne l'ai jamais vu, moi, ce mec-là. Ah ouais, mais alors, attends. Comment je fais, moi, à part le menacer au télé? Je vais le menacer, là, je vais dire, ouais, mais tu... Ouais, mais alors, attends. Dans ces cas-là, pourquoi qu'il nous fait chier? Pourquoi qu'il escalte la bagnole? Bah, tu crois qu'il me l'a pas fait? Attends, tu crois que ça me fait plaisir? Parce que moi, si j'ai une peinture à refaire, j'ai pas les moyens. Bah, attends, mais moi aussi, il me l'a défoncé une fois, il est venu avec son 4x4, il m'a rentré dedans. Non, bah, tu veux te montrer? Bah, tiens, bah, si je te le dis devant, il m'a défoncé la carrosserie devant. Oh, attends, il t'a défoncé. Oui. Tu me crois pas? Non. Bah, je te montre la voiture à minuit. D'accord? Et tu verras devant. Il me l'a fait il y a 3 jours. Alors arrête des conneries, moi aussi, mais c'est toi qui vas payer. Je t'expliquerai pourquoi. Parce qu'apparemment, il m'a dit qu'il venait de ta part. Je t'expliquerai. Ouais, bah, alors dans ces cas-là. Moi, je vais te dire une chose, fesse de babouin, un conseil que je te donne. Moi aussi, un conseil que je te donne, écoute bien. Non, mais vas-y, toi. Non, vas-y, toi, je t'en prie, vas-y, après toi. Moi, je vais te dire une chose, que ce que tu viens de faire. Ouais. Un conseil que... Qu'on te donne. Continue et... Non, continue pas. Non, mais qui s'amuse à harceler Sandy... Amuse-toi à harceler Sandy et tu vas voir. Tu vas te retrouver au tribunal et dans un commissariat. Parce que maintenant, je sais qui c'est. Une R19 gris métallisée. Immatriculé. Non, donne pas. Si. Non, immatriculé. Ah oui, d'accord. J'en ai rien à foutre. Ah non, bah voilà. J'en ai rien à foutre. Donc, une R19 immatriculée 175 qui se promène du côté de l'avenue Montaigne. Donc, si vous la voyez, amusez-vous dessus. C'est bien. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, Manu. T'essayes de m'avoir Sandy, dès que Max il peut l'avoir, on va continuer avec, Karim, avec ça. Karim d'abord, pour l'instant, purée, c'est très fort. Bravo Gérard, en tout cas, je t'applaudis parce que tu as pas peur de parler et ça me rassure. Et de savoir que toi tu dois me payer ma caisse et que je dois payer la tienne et que du coup non. Les factures s'annulent, ça me rassure. Non mais moi je vais te dire une chose, c'est que en plus, ils n'y ont pas été de main morte avec des panneaux. J'étais pas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, mais fil d'art. Dis. Moi j'étais témoin, mais c'est pas moi de raconter. Non, mais tu peux dire parce raconte, que. Raconte toi. Toi, mais j'ai vu. Oui. Arrête de parler, raconte. C'est quoi le moi, truc que je suis témoin, mais... Ça m'excite. Non, mais génial. La bagnole entourée de PQ avec du scotch de déménagement. Donc du scotch comme tu as là. Ouais. Donc la carrosserie. Ça n'abîme pas la peinture, ça? Non, à peine. Je te demande, c'est une question. Si. Ah bon. Même au Karcher, j'ai essayé. Et avec les doigts, t'as essayé de le retirer? Oui, ben, c'est encore pire. Donc, la bagnole. Et on m'a dit qu'il y avait du yaourt dedans. Oui, il y avait du yaourt dessus. Et même Rigaud, il a essayé de... De lécher? Non. Il a essayé de retirer ce qu'il pouvait. Malheureusement, il y a pas arrivé, mais je le remercie quand même. Donc, moi, je remercie tout ce qu'il y avait sur la vitre arrière. Oui, mais par contre, moi, ça me fait pas plaisir parce que ça m'esquinte la carrosserie et ça m'amuse pas à régler tout sans arrêt mes rétroviseurs. Parce que faut pas oublier que le mec qui s'amuse à faire ça, donc fesse de babouin. Donc, on sait que c'est lui, parce qu'il l'a dit. Gérard, on va reprendre tout à l'heure, d'accord? Je vais terminer avec... On va reparler de tout ça calmement, parce que là, je crois que les gens, on les tient en haleine. Tout le monde va vouloir voir la fin de cette histoire qu'on aura d'ailleurs tout à l'heure, avec un résumé du débat de Gérard, et puis un remix, etc. Gérard, reste avec nous. Bah alors, t'étais où, toi? Qu'est-ce que tu fous? Il paraît que t'es en train de picoler en bas avec les mecs de la sécurité d'Hertel, on nous a dit. Bah alors, Marco, qu'est-ce qu'il nous a raconté? T'étais où, toi, Gérard, mon pote? Mon pote Gérard, t'étais où? Bah, allume ton micro et parle, pas besoin. Non, j'étais voir quelque chose, c'est tout. Voir quoi? Voir ma caisse, c'est tout. Attends, tu peux pas attendre la fin de l'émission? Non, mais je voulais voir s'il y avait rien dessus, c'est tout. Mais non, il n'y a pas de problème. Alors, revenons à ce problème de... Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ce qui s'est passé, t'as qu'à écouter la DAT si tu l'as. Et puis on va... Manu... Ah non, pas sur la DAT, ça s'est passé dehors. On avait fini l'émission, j'ai dit. Ah oui, ouais, non, mais... on va quand même appeler... Mammouth Mystère. Mammouth Mystère, oui, si tu veux. Mais ouais. Alors, allez, pendant qu'on l'appelle, alors raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des petites surprises. C'est que quand je suis reparti... Donc, la bagnole est entourée de papier de chiotte, avec du yaourt de tout dessus. C'est bon? Vas-y, mais ouais. Aïe, c'est encore face de babon. Non. Si, j'ai occupé. Non. Attends. Vas-y. Je vais te dire une chose, c'est pas occupé parce que je l'ai eu tout à l'heure. Ah ouais, mais enfin, entre-temps, voilà. Non, il n'y a personne d'autre qui l'appelle. Gérard, comme tu viens de dire que tu voulais qu'on l'appelle, les gens qui connaissent son numéro sont en train de l'appeler. Non, parce que Fesse de Bavol l'appelle sur un ancien numéro. Alors, Fildar, Attends, ça c'est autre chose. Vas-y, ouais. Ne quittez pas, on fait de la radio en direct, hein. Alors, vas-y. Vas-y, Romain l'ancien, là, je rappelle. J'ai rappelé, là. Non. Alors là, Manu, fais le numéro. Fais le numéro toi-même. Oh là, qu'est-ce que GG. Je peux pas. Vas-y, fais le numéro toi-même. Vas-y. Je vais faire GG. Ah, ça arrête pas de sonner. C'est comment on fait? Attends, alors, on va décrocher. Ne quittez pas. On est en direct à la radio. Il y a des. Aïe. Oh là là là là là là. On est en train de composer le numéro de téléphone. Alors? Bah, mets-le à l'antenne. Mets-le à l'antenne, sinon ça sonnera pas. C'est bon maintenant. C'est bon? Alors c'est occupé. Non, tu permets, je suis pas de ton avis. Bah, parce que c'est en direct. C'est à l'antenne, GG. Non. C'est à l'antenne, c'est normal. Arrête tes conneries, j'ai pas de tonalité dans ton téléphone. Alors, je joue pas en con parce que hier, tu m'as fait le même coup avec elle. C'est toi qui as fait le numéro, GG, je peux pas. Bon, alors attends, qu'est-ce que c'est? Bon, on s'en fout. Est-ce qu'on a besoin d'elle pour le problème d'hier? C'était une auditrice hier, c'est pas quelqu'un qui était dans les studios, cette personne. Elle a rien à voir là-dedans. Ouais, mais justement, c'est elle qui est harcelée aussi. Non, on parle pas de ça, on parle de ta voiture. Ouais, non, mais attends. Il est parti où, là, Fildar?